jeune originaire de France. Je vis dans le sud de l'État. Quand c'est pas de diligence, je me fais les trésors du roi. Si je dois mourir, ce sera d'une balle en plein cœur, brûlé vif dans la douleur. Encore un peu de patience et le monde sera tout à moi. Je régnerai sans indulgence le légendaire Robin des Bois. Si on doit écrire ma vie dans toute son horreur, j'assumerai, non, je n'ai pas peur. Je suis un bandit, on peut dire ce que l'on veut de moi. Je suis un bandit, un métier comme les autres, je crois. Au lieu de provoquer la chance et de faire parler de moi, je me réfugie dans l'errance, on m'oublie et me revoilà. Je vais pas vous mentir, c'est l'argent qui fait mon bonheur, je ne suis pas payé à l'heure. Je suis un bandit, on peut dire ce que l'on veut de moi. Je suis un bandit, un métier comme les autres, je crois. Comme les autres, je crois.